Salut, c'est Mike l'écuyer pour l'émission Blues Covers. Salut toutes tous, toujours l'exploration du pop rock dans le blues, dans ses blues covers. Alors on va commencer avec Bad Moon Rising. Oh, ça doit dire quelque chose à beaucoup d'entre vous. Et oui, c'est une composition de John Fogerty au sein du Creedence Clearwater Revival. Et qui c'est-y donc qui s'attaque à ce monument du rock des années 70, enfin ça les années 60? Eh bien c'est tout simplement Monsieur Jack Bon de Lyon, le Lyonnais Jack Bon, dans son album Live and Acoustic de 2007, Bad Moon Rising. C'était Jack Bon et on le retrouvera en fin d'émission avec son Slim Combo. En attendant, voici Manu Lanvin et Neil Black en 2013 lors de l'émission Blues Café Live de mes amis et collègues Cédric et Francis du côté de l'île d'Abo avec une adaptation, une reprise de All Along the Watchtower de Bob Dylan et Jimi Hendrix, si l'on veut, enfin composition de Dylan et popularisée par Hendrix. En 2013, Manu Lanvin et Neil Black. Some kind of way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Maybe it's my load to drink my wine, no man take my hurt. No one about to return. bathroom servants too. Outside in the distance, while Kennedy growled, two riders were approaching. The wind began to howl. Après Neil Black et Manu Lanvin, on va se calmer un petit peu avec ZU. Mais on reste toujours dans la région lyonnaise. ZU a produit 3 albums chez Bluesiac, le label de blues en français. Et tout d'abord, les Blues Ayers, Blues de là, en 2014. Ensuite, ZU, Mur pour le blues, en 2015. Et enfin, ZU et les Zig. Acte 1, scène 1, en concert à la Grouverie, en 2019. Mais il m'a fait un petit cadeau, il m'a fait l'amitié de m'envoyer une version de « You can't always get what you want » qu'il a enregistrée en 2010. Je ne pense pas que ça soit paru sur disque, donc c'est peut-être une primeur, une exclusivité, en tout cas une rareté sur mon émission « Blues Covers ». Voici « ZU ». You can't always get what you want. J'allais oublier que c'est une chanson des Stones, bien sûr. I saw her today at the reception. Glass of wine in her hand. She would meet, I know, her connection. Her feet were the footloose man. Now you can't always get what you want. Can't always get what you want. You can't always get what you want. And if you try sometime, you just might find you get what you need. Went down to the demonstration to get my fair share of abuse, singing, we're gonna win all frustration. frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Singing to me now. Though you can't always get what you want. No, you can't always get what you want. Can't always get what you want. But if you try sometime, hey, well, you just might find you get what you need. To get your prescription filled, I was standing in line with Mr. Jimmy, and man, he did look pretty here. We decided that it would have soda, my favorite flavor, cherry red. I said to him, no, you can't always get what you want. No, you can't always get what you want. And now you can't always get what you want. But if you try sometime, you just might find you get what you need. You get what you need. You get what you need. You get what you need. On va se reprendre une petite lampée de Jack Bond pour terminer l'émission avec deux titres issus de deux disques différents. Tout d'abord, Jack Bond Slim Combo en 2015, l'album Color of Blues, c'est un CD promo qui n'était pas très distribué. Et dessus, il y a quelques reprises, dont ce Living the Blues de Bob Dylan. I've been walking around with my head bowed down to my shoes. I've been living the blues every night without you. I don't have to go far to know where you are. Strangers will give me the news. I've been living the blues every night without you. Thing that is best, I soon get some rest and forget my pride. But I can't deny this feeling that I carry for you deep down inside. If you see me this way, you come back and you stay. Oh, how could you refuse? I believe in the blues every night without you. You. If you see me this way, you terminer avec Jack Bon et Bob Dylan. C'est quand même une superbe association. Jack Bon, en 2018, nous propose une magnifique reprise de Absolutely Sweet Mary. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. C'était l'émission Blues Covers. Choo, choo, choo, choo.